Dambe Dambu Yungu. Dieu nous sommes. Dambe Aliku Bisho. Gloire à son nom. Dambe Akumbra Yu. Père et cher, c'est profond. Alléluia et l'amour. Jésus est allé à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi d'Égypte qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Yesu abotamaki na Bethlehem na Yuda na mikolo na mokonzi Elode. Kala bato na mayele balongaki na epai na ebimele na tango bakomi Yerusalem bango ete wapi ye oyo abotami mokonzi na Bayuda nzambe tosili komona moto na ye epai na ebimele na tango mpe toyei kogumbama liboso na ye. Ésaïe chapitre 21 dans l'Ancien Testament, versets 11 et 12. Oracle sur Douma, au mépris des séhirs, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez un projet, un projet. Convertissez-vous, revenez. Ephésiens chapitre 5, versets 15 et 17. Non, chapitre 5. Versets 15 à 17. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez-le, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Verset 17. Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et veuillez vous asseoir en paix. Bienvenue à la table du Seigneur. Je pense que les exhortations préliminaires n'ont pas été vaines. Et aussi dans Ephésiens au chapitre 5, pour mettre un pont entre les trois. Vous savez, nous pouvons chanter et chanter à l'esprit. Nous pouvons prêcher et des fois porter les temps. C'est adorer Dieu en permanence. J'espère que même ma prédication de cette nuit sera une façon d'adorer Dieu. Que ce soit une adoration que mon frère lui offre. Une façon de valoriser son programme, valoriser son évangile, valoriser son église. Notre sujet, je médite aussi, c'est l'église, quelle heure est-il? Église de Dieu. La question vous est posée. Quelle heure est-il? Église de Dieu. Je vais vraiment prêcher une fois, mais ça s'intitule Messieurs, que l'heure. Voilà, quelle heure. Ce n'est pas ça que je veux prêcher. Et quand on a lu dans Matthieu chapitre 2, verset 1 et 2, le prophète de l'Orient-Ganam a prêché un autre sermon intitulé Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Ce n'est pas ça que je veux prêcher. Et en lisant dans Ésaïe chapitre 21, les deux versets qui ont été mentionnés, le prophète a prêché un sermon intitulé Sentinelle. Donc, nous avons trois passages bibliques autour desquels nous allons formuler notre méditation scientifique pour repartir d'ici plus sérieux qu'avant. Plus regardant au signe prophétique. Plus regardant au temps qu'il fait. Car tout ne continuera pas indéfiniment comme ça. Dieu a un programme dans lequel nous cheminons. Et chaque chose prendra place au bon moment. Même les miracles auxquels tu aspires. Pour qu'ils manifestent efficacement. Il faut qu'ils soient inscrit dans les programmes de Dieu pour ta vie. Quand tu tireras fort avant le temps, tu ne verras pas vraiment ce que tu souhaites. Mais quand tu seras au finissure pour ne pas voir, tu verras la visitation de Dieu. Alors il nous faut être connectés. Branché à Dieu en permanence et savoir à quoi regarder pour ne rien manquer de ce qui est utile, pour ne rien manquer de ce que Dieu prévoit pour nous, pour ne rien manquer de ce que Dieu veut nous donner. Y a-t-il quelqu'un pour dire amen? Et Dieu, que leur est-il? Ça appartient au chapitre 5. Parce que c'est là qu'il est question du temps. Même si Esaïe a aussi parlé du temps. Ephésiens 5 nous dit quoi? Reprenons-la. Reprenons le verset 15 à 17. Parole de vérité. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection. Afin de vous conduire avec circonspection. Oh, il a inversé. Non comme des insensés, mais comme des sages. Votre conduite doit se faire avec circonspection. Un contrôle absolu autour de vous et sur votre chemin. Le meilleur de contrôle que vous puissiez vous permettre. Contrôlant vos gestes. Contrôlant vos actes. Contrôlant vos paroles. Contrôlant vos pensées. Contrôlant vos réactions. Contrôlant les signes prophétiques. Contrôlant le programme de Dieu. Consultez le calendrier prophétique pour savoir quoi faire et quand le faire. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Ligne de conduite. Non pas à la manière des insensés. Les insensés, ce sont ceux qui n'ont pas les sagesses. Qui n'ont pas d'intelligence. Qui n'ont pas de manière divine. Qui n'ont pas de manière sacrée. Qui n'ont pas le sens de la piété. Qui n'ont pas la notion du sacré. Qui n'ont pas de frères dans la divine. Qui peuvent se permettre ceci, cela et vous faire. Tout insensé. D'ailleurs, dans le psaume 14, il est dit, Donc, l'une des caractéristiques majoritaires de ces sensés, c'est de nier l'évidence de Dieu, de nier l'existence de Dieu, de ne connaître que le programme de Dieu, de s'en foutre que la parole de mort, de négliger les recommandations de la parole, parce que pour lui, Dieu n'existe pas. Quand Dieu n'existe pas, le programme de culte n'est pas impératif. Ne sont pas importants. Et le temps qu'on voudrait donner à Dieu, c'est du temps perdu. Or, vous, il ne faut pas que vous soyez comme cela. Ne soyez pas des insensés. Mais soyez sages. Reconnaissez l'existence de Dieu. Quand sur la terre où vous vivez, vous aurez toujours divers besoins. Et bien des fois, vous aurez grandement besoin de Dieu. Quand tu honores Dieu, Dieu t'honorera. Quand tu respectes les choses de Dieu, Dieu te respecte. Quand tu respectes les choses de Dieu, Dieu te respecte. Et d'après le principe du Pharaon, ceux qui déshonorent Dieu seront déshonorés. Le sens de la recommandation du Saint-Esprit. Quand il nous dit de prendre garde. Et que notre conduite soit vécue avec circonspection. Que nous soyons extrêmement vigilants. Que nous contrôlons et recontrôlions tout. Parce que justement, Dieu nous fera répondre de tout ce que nous faisons. Dans 1 Samuel au chapitre 2, la parole dit d'abord au verset 25, et puis le verset 30, si l'homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait le faire mourir. Ça, ce sont les enfants du prophète Samuel. Sacrificateur Élie. Yanganga Elia. Voilà, c'est cela. Yangwana. Mabe, Zambe, akosambe saye. De soko moto, akosale la yao mabe. Nani, akobende le la ye. Kasi, bayota ki, mongongo, na tata, na bango te. Pote, yao, akana ki, koko na bango. Voilà ce qui arrive lorsque votre destin commence à être lié dans le programme de destruction de Dieu. Quand votre vie doit mener vers la perdition, vous ne faites pas attention à la voix de Dieu. Mais tout le conseil sacré que vous vous retrouverez en train d'évoluer de mal en pire, ne faites pas que ce soit les choses. Alors que ton oreille perd encore en temps, et que ton cœur perd encore comprendre, reviens à Dieu. Esaïe a dit, si vous voulez interroger, mais convertissez-vous et revenez. Si vous voulez multiplier les questions, continuez. Ce que Dieu attend de vous, c'est la conversion. Il faut que nos vies changent. Ne mettez plus les questions à l'église, les questions de la parole. Les questions de la parole. Il faut le résultat des cœurs. La conversion, c'est le baptême du Saint-Esprit. La repentance selon Dieu. La conduit à une tristesse merveilleuse. Que nous faisons haïr tout mal que nous faisons. On ne plus jamais les désirer. On ne plus jamais en éprouver un seul plaisir. On faire côté. Le mal qu'on faisait auparavant. Vous quand vous Dieu nous donne la vraie repentance. Ça, c'est la chaîne du mal. Ça, c'est la servitude du péché. Ça, c'est l'enchaînement du péché. J'ai confiance. Quand un homme pêche contre son semblable, le juge. Ne pensez pas que quand on pêche contre vous, il n'y a personne qui fera rien. Même si sur la terre, il n'y a personne qui fera rien. Même si à tes yeux, il n'y a personne pour intervenir. Il n'y a personne pour plaider ta cause. L'évangile est la bonne nouvelle. Dieu là-haut qui voit tout. Même quand les humains sont incapables de te secourir. Confie-toi en Dieu de ton cœur. C'est qu'il écrit, c'est la vérité. Quand un homme pêche contre notre homme, que fera Dieu? Que fera Dieu? Église, dites, que fera Dieu? Qu'est-ce que tu l'as dit? Qu'est-ce que tu l'as garanti? Il faut écrire dans cette Bible avant qu'aucun de nous ne le dise. Même si tu ne vois pas encore les effets du jugement de Dieu, arrête de t'égarer dans tes pensées. Dieu veille sur sa parole. Le jugement écrit est un jugement effectif. Ce qui te cause du mal. Ceux qui te font du tort, qui pêchent contre toi, qui t'avancent, ils ont un juge et Dieu créateur et leur juge. Alors, c'est ce Dieu créateur qui nous a dit, ne vous vengez pas vous-même, mais à Dieu la vengeance, à lui la rétribution. Est-ce qu'une âme peut obéir à ça? S'abstenir des rancunes. Et de tout esprit de rendre le mal pour le mal. Laisse Dieu juger et son jugement est meilleur. Si quelqu'un a traité Kawana. Bambana te yo, yo linga mo jalani na yo. N'en fais pas trop à ta tête. N'en fais pas trop à ton cœur. N'en fais pas trop à ton estomac. Laisse ton estomac tranquille. Laisse ta tête tranquille. Laisse Dieu faire sa part. Peut-être que la chose qu'on t'a faite, selon toi, il est trop grave. Elle est insupportable. Selon Dieu, c'est rien. Alors, pourquoi porter ça comme un fardeau? Encore tout un problème. Et avoir des palpites. C'est ce qu'il m'a fait. Il a dit, il a fait. Est-ce que pour Dieu, c'est aussi grave que tu le penses? Est-ce que pour Dieu, c'est aussi si piquant que tu ne le penses? Laisse Dieu juger. Qu'on l'attaque à ma cambotée. Ma émission, tu commis la même histoire. Rachetons le temps perdu, à déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Il dit amen ici. Est-ce que ça m'a dit au Kango? Verset 1 était aimé là. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même Dieu prend soin de vous. C'est pas la première fois. Honore cette parole et Dieu t'honorera. Si maintenant, dans tes excès de faire le mal, cet homme arrive à pécher contre ton Dieu. Il va toucher même la majesté de ton Dieu. Parce que d'après lui, il ne voit rien en toi. Il ne voit pas ni Dieu, ni gloire, ni puissance. Il n'a rien, c'est sûr. Il fait de minimiser tes réflexions. Mais notre Dieu est un Dieu qui se cache. Mais il y a aussi un Dieu attentif. N'oubliez pas. Des fois, il semble inactif. Cela ne veut pas dire qu'il est impuissant. Il demeure si puissant. Il a un temps marqué pour toutes choses. Confie-toi à Dieu. Laisse-le intervenir. On a touché à ton Dieu. Laisse-le se défendre tout seul. Le gouvernement a dit que le lion se défend tout seul. Le lion se défend tout seul. Dans la forêt, on ne défend pas les lions. C'est lui le roi, c'est lui le chef des animaux. Là, c'est son fief, c'est son territoire. C'est son terroir. Quand il veut réagir, il réagira. Quand il veut finir, il finira. Quand il veut dévorer, il dévorera. Alors que Dieu est un grand lion, on ne se moque pas de lui. Ce qu'un homme s'aimera, c'est ce qu'il mentionnera. Le mal que tu fais en secret, c'est ce qui te multipliera les malheurs à l'avenir. Tiendront logiquement se greffer sur le mal que tu as fait. Les péchés te rattraperont. Alors que tu ne t'en répandes et que tu ne répares tout ce qui doit être réparé. Tu dis amen à la vérité. On ne se moque pas de Dieu. Nous disons que Dieu honore ceux qui l'honorent, n'est-ce pas? Alors je continue dans Esaïe chapitre 2. Si un homme pêche contre Dieu, qui va alors intercéder pour lui? C'est la question. C'est la question. Maintenant, on descend au verset 39. Pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël? J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi, la perversité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. Pourquoi? Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Bon, voyage, j'entends dans l'Israël à l'église. Batona tatana yote, bakotango la libella libosanangai, desika voyage à l'église. Et j'ai la bonne voiture. Poche, baoye, bakotumi sangai, ngai nakotumi sabango. Debaoye, bakotolangai, ngai makotanga bango pamba. Amen. Amen. Dieu honorera celui qui l'honore. Même si tu n'es que seul, une grande masse, une grande foule, une grande famille. Même si tu n'es que seul, les gens de ta famille, tu honorer son Dieu. Dieu t'honorera. Amen. Amen. Même si tu ne te retrouves que seul, entouré de méchants et de mauvais, entouré des amis pervers, entouré de frères et de sœurs païens, ne perds pas courage. Dieu dit qu'il l'honorera, l'individu qu'il honorera. C'est une promesse et c'est pour toi. Les années la paix avec moi. Pour toi que l'honneur, voilà la promesse. Êtes-vous là? Vous allez voir. Dans le Proverbe chapitre 3. Verset 33. Le nom de Dieu nous dit ceci. Oh, je pourrais reprendre le verset 32. car l'Éternel a en horreur les hommes pervers. Mais il est un ami pour les hommes droits. Et tu es un homme droit? Veux-tu être un homme droit? Okay. Comme tu veux être un homme droit, Dieu voudra aussi être ton ami. Notre Dieu a honoré les hommes pervers. Qui a la perversité au cœur. Qui déforme le bien, le mal et le mal bien. Dieu a envie de vomir quand il est voit. Il dit convertissez-vous et vivez. Si l'un d'eux se convertit, Dieu se réjouit. Parce qu'il revient à la volonté de Dieu. Et ceux qui demeurent volontairement pervers, changer, Dieu les maintiendra en horreur. Et Dieu est un ami pour les hommes droits. Moi je voudrais tous les jours de ma vie être un homme droit. Pour bâtir la sympathie de Dieu, l'amitié de Dieu. Sois droit comme Joseph. Joseph du temps de la Bible, fils de Jacob. Sois droit comme Abraham. Sois droit comme Israël. Sois droit du mieux que tu peux. Et Dieu se fera ton ami. Mais au temps de la fin, la parole de Dieu demeure éternellement. Même de nos jours encore, oui, Dieu est un ami pour le monde droit. Même en 2023, oui. Il est un ami pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Mais il bénit la demeure des justes. Voyez ça, la malédiction de l'Éternel. Dieu veut que ton cœur change. Si vous voulez interroger. Mais convertissez-vous et dites. Tant que votre cœur ne change pas, votre situation ne changera pas. Arrêtez de courir dans les maisons de prophétiseurs. Allez des maisons de dons en chambre de dons. Allez poser des questions ici et là. Je dis, convertissez-vous et les venez. C'est la solution de Dieu. Quand vous voulez toujours qu'on vous prédise les choses, vous cherchez des signes, des miracles, vous prédisez les sorties qui vous envoûtent, parce que c'est à votre gueule, vous ne voulez pas les changer. Un tel message n'est pas dit ça. La parole de Dieu. La conversion à Dieu et la répentance avec la pratique des œuvres dignes de la répentance. C'est le même évangile que nous continuons à prêcher. Ne fouillez pas le plus important pour aller chercher les choses accessoires de ce que vous avez. Si nous prenons la parole, nous allons nous dire que nous sommes clairs dans la vie. Oh, ma camarade, elle n'a pas compris la si moi, je m'en éclaire, je suis sur moi. Je m'en éclaire, je m'en éclaire. Je m'en éclaire, je m'en éclaire. Je m'en éclaire, oui, c'est bien. Et puis après, tu finis là où? Je suis sur moi. Convertissez-vous et revenez à Dieu. Vous avez besoin de faire un examen. Que c'est lui qui aime la vérité de l'examen. Nous allons prêcher cet ancien évangile. Nous restons qu'à toi. Même à Tabambou, les Pakistan, il faut changer l'évangélité. Nous disons convertissez-vous et revenez. Convertissez-vous. Chaque année, chaque mois, chaque semaine, répentez-vous. Pour tout mal que vous faites, répentez-vous. La malédiction de l'éternel est dans la maison du méchant. Mais il bénit la demeure des justes. Le lobby amène à l'ITEA, changez la peine à vie. Le lobby amène à l'ITEA, pour les votes à yo, changez la peine à vie dans les colonies. Pour ceux qui étaient amenés à l'église, qu'on église, un endroit où on a milinga, minda. Il faut que l'amen ici soit aussi amen à la maison. Que ce soit un amen vital. Un amen partout. Dieu a dit, répentez-vous, chaque fois que le mal arrive, je me répentirai. Amen. Sans tarder, sans forcément. Mais en rachetant le temps. Car demain ne m'appartient. Je peux mourir, alors je ne peux pas mal finir. Je ne connais pas les jours de ma mort. Alors quand le mal vient, je vais le foutre dehors. Rapidement. Pour chasser la malédiction de ma maison. Pour coincer la malédiction autour de moi. La malédiction de l'éternel est dans la maison du méchant. Et il bénit la demeure des justes. Dieu se moque de mon cœur. Mais il fait grâce aux âmes. C'est le même passage qui veut dire que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux hommes. Le même verset, quand il est cité dans le Nouveau Testament, Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux hommes. Quand la parole vient comme ça, n'esquive pas. Reçois la correction. Répands-toi. Fais-le avec plaisir. Car la joie du Seigneur, c'est ta force. Et c'est un bon exemple. Dieu se moque de mon cœur. Même quand toi tu ne vois rien, Dieu a déjà dit que si l'homme pêche contre son semblable, Dieu se fait juge du cœur. Même si tu ne l'as pas invité, Dieu jugera les cas. Si tu le pries et tu le confies le cas, Dieu traitera l'affaire. Le fond de ta prière. La foi en prière. Sois déterminé quand tu pries. Ne doute jamais Dieu est fidèle. Dieu se moque de mon cœur. Mais il fait grâce aux hommes. Les sages hériteront la gloire. Les insensés ont la honte en partage. Disons que nous ne devons pas être des saints. Le Saint-Esprit, par la prime de Paul, nous a dit que nous puissions nous conduire à la circonspection. Et non pas comme les insensés. Et voyez, en adoptant la sagesse, nous avons la promesse d'hériter la gloire. L'honneur, les privilèges, les avantages du Dieu vivant. En adoptant la sagesse, la promesse. Que vas-tu choisir? Que vas-tu adopter pour ta vie? Tous les jours de ta vie. La sagesse. Amen. et la crainte de l'Éternel, Banga Yahweh, ça ne commence pas d'ailleurs. Ça vous donnera la notion du sacré, la notion de la piété. La crainte de Dieu et la haine du mal. Tout cela est vraiment possible. Alors revenons à Ephésiens 5. Nous sommes en train de commenter un verset que nous a amené là où nous sommes allés. Mais revenons ici à Ephésiens 5. Prenez donc garde, verset 15. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme les insensés, mais comme des sages. Donc vous pouvez vous faire vous allez faire vous allez. Alors, comme vous avez adopté la sagesse, la Bible vous recommande la sagesse. Vous recommande d'être sage. Et moi, j'accepte fièrement ça. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ne criez pas, bonne année! Les jours sont mauvais. Même les jours de première, les premiers jours de l'an, c'est un mauvais jour. Même les 31, tous les jours, c'est mauvais. À cause du malin, qui domine sur le monde. Le mal règne, le mal se propage. Alors les jours sont mauvais. Vous, pour votre part, ne gaspillez pas le temps. Ensemble avec les saints. Mais manifestez la sagesse que Dieu vous propose. En agissant autrement. Comme des gens avisés. Comme des gens avertis. Comme des gens qui connaissent le programme de Dieu. Ce qu'il y a et ce qu'il y aura. Vous allez faire quoi, Zala? Vous les jours sont mauvais. Mais comment j'allais ma belle. Réveille ton autre armure. Élevis ton en vainqueur. Si la bataille est dure, l'espoir soutient nos cœurs. Horizons éternels, il nous montre les ports. Nos têtes seront fidèles. Seigneur, jusqu'à la mort. Veille dans notre armure et souffrons en vainqueur. Les plaines de l'ennemi sachons à notre épreuve aura son terme. Mais quand le bonheur est dans le mauvais. Les critiques et les bêtes, pour les plaintes et les murmures, pour les cris des chiens dans nos maisons, ou pour faire les chants des perroquets, en train de répéter ce que les païens répètent. Maintenant, utilisons chaque minute pour Dieu. Si quelqu'un y veille, d'utiliser chaque minute pour Dieu. Ne plus offrir au diable même pas une minute. Ne plus offrir au péché même pas une minute. Ne plus offrir à l'iniquité même pas une minute. Mais utiliser chaque minute que Dieu nous donne au service de Dieu. Pour adorer Dieu. Pour s'occuper des choses de Dieu. Même en son temps de travail. Que nous ayons Dieu constamment devant nous. Nous allons alors nos pieds ne chancelleront pas. Nous ne tomberons dans aucun péché et nous serons confessés et réparés. Qui sait que c'est vrai? Nous sommes ces habitants. Je pose l'Éternel sous mes yeux, alors mon pied ne chancelle pas. La chute n'existe pas. C'est possible quand on veille. Parce que la Bible dit que le nous appelle aussi facilement. C'est par la mégarde, par la distraction, que le péché est pour pour celui qui se conduit avec circonstance. Il contrôle tout autour de lui. C'est ce sentiment. Mais diable a côté la voix. Vous avez bouqué bindé, moko na banguna na biso. La mégarde. Vous avez bouqué. Le laisser aller et la négligence. La naïveté. L'on pense que ah laissons-moi voyager. On a ouvert une engagée. On va t'en faire du bon. On voit kaka. Voilà. Une mentalité corrompue. Voilà, on ne peut pas se laisser faire, se laisser aller comme ça. Il faut placer des bornes et des règles dans la vie. La gestion de mon temps, circonspection. Voilà, la marche de mes pas, circonspection. J'ai conseillé pas sa part. Je ne mettrai pas mon pied n'importe où. Le problème a dit, là où Jésus-Christ n'est pas le bienvenu. Moi aussi, je ne serai pas le bienvenu. Il y a un endroit où on t'invite. Où tu peux y aller. Et qu'à l'avance, on te prévient, il y aura le déshonneur au nom du Seigneur. La parole sera déshonorée. Mon cher ami, vous allez à l'Okosote pour un plat de lentilles. Moi, ça fout. Ok, ne vous pas qu'à qui doit de naître, qui dirige le mot Christ. Ok, ne vous pas qu'à la Zambé Soni. Ok, participez aussi comme au final de la Zambé. Dieu prend soin de nous. La dignité ne s'achète pas. C'est un caractère qu'on défend et qu'on protège. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Mon ami, ne soyez pas inconsidérés. Il y a des choses auxquelles nous devons donner la considération. Et ce sont les affaires du royaume de Dieu. Les choses de l'évangile, méritent une haute considération. Méritent une grande attention. Notre méditation. Et notre suivi. Pour suivre ça de près. Pour l'endiamon à et Dieu te fasse grâce. Alors, et ceci, c'est avec la question que nous connaissons, l'Église de Dieu, que le rétient. Dans la prophétie. Que l'heure est-il? On voit les années se succéder. On voit les événements se succéder. Que l'heure est-il? Si nous connaissons l'heure, alors nous poserons les actes idoines. Nous ferons les choses idéales. Les plus importantes et les plus nécessaires. Pour ne pas nous retrouver en retard par rapport au programme. La Bible dit dans Romains chapitre 13. Pour approcher la réponse de cette question biblique. L'on nous dit ceci, verset 11 à 13. Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Au moins vous voulez savoir. Église, quel temps est-il? Quelle heure est-il? Que tu dis? Tu connais? L'heure qu'il fait l'horloge de Dieu? Non. Et tu dois savoir. Il faut le savoir. Les croyants du temps primitif le savait. Les royaumes de notre temps doivent le savoir. Quand vous connaissez l'heure, vous savez alors quoi faire à cette heure. Quand vous ne consultez même pas l'horloge, vous serez toujours quelqu'un qui s'étonne et se serait surprendre partout. Ah. Il est, ceci est arrivé. Vous devez surveiller l'heure. Ce n'est pas en regardant aux politiciens que vous connaîtrez l'heure. Ce n'est pas en lisant les livres d'histoire que vous connaîtrez l'heure. Nous devons regarder à la sentinelle. C'est à la sentinelle qu'on pose la question. Qu'est-ce de la nuit? Sentinelle, quelle heure est-il? Quand la sentinelle monte sur la tour, et qu'elle ne peut vous annoncer l'heure, notez alors. Prenez note et agissez en conséquence. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Mais sur quelle heure est-il? C'est l'heure du sommeil. Madame, quelle heure est-il? C'est l'heure du sommeil. Église, quelle heure est-il? C'est l'heure du sommeil. Frère, quelle heure est-il? C'est l'heure du réveil spirituel. Ma soeur, quelle heure est-il? C'est l'heure du réveil spirituel. Nous devons être réveillés et porter les signes et le fruit du réveil de notre temps. Chacun de nous. Nous devons être spirituellement réveillés et porter les signes et les preuves du réveil de notre âme. Le réveil que nous confessons ne doit pas être un réveil nominal. Un réveil d'apparence ou juste une prétention. Le réveil que nous confessons doit être profond et palpable. Un chrétien qui est réveillé ne pêche pas. Il garde son cœur pur tout le temps. N'est-ce pas ça? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils vont. Si je n'ai pas le cœur pur, je ne le verrai pas. Donc, lui, Seigneur, il viendra à l'heure où je n'y penserai pas. Donc, quelle est l'heure où je peux me permettre de me supplier un peu? Vous critiquez d'abord un peu mon frère? Ou juste un peu seulement? Critiquez un peu d'abord ma soeur un peu. Alors, bah, mon ami, mon si je suis prêt à ce moment-là, je ne peux pas me permettre ça. Je dois contrôler ma bouche. Tu dois contrôler ta bouche. Votre maître viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Il sera ceux qui ont le cœur plus. Écoutez. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Même maintenant, physiquement parlant, il est à l'horloge. 3h17. Est-ce que le matin auquel nous allons mettre fin à la veillée. N'est-il pas plus proche de nous qu'au moment où nous avons commencé à la veillée? Déjà vous regardez, 3h17. Kobonga mate kolala. Ah, muda. Et tu as les 2h. N'a pas préparé déjà pour Pongi et troublé pour vous en d'accord. L'ongola magani sabongo. Awa tout ça n'a veillé. Pour ce bon gamma pour l'arrêt. Dieu nous donnera le sommeil. Même pas des idées préparatoires au sommeil. Dieu va te donner le sommeil facile. D'abord ici, Dieu s'occupera de ton sommeil. Maintenant qu'il s'occupe d'abord de ton âme. Il te donne la parole, prends-la au bon endroit. Maintenant, vous voyez, Le matin est déjà plus proche au moment où il faut commencer. Nous avons terminé la première veille, mais on ne dirait pas. La première veille est allée de 22h à 2h du matin. Et s'il y a un peu, il est même en train de faire une nouvelle nature qu'un mot. Et s'il est beau, et s'il est beau, et par exemple, il y a le col à moi en milinga. Ça n'est rien de temps. Première veille est finie. 4h, fini. Vous allez là où la veille du matin. Oui, il va de 2h à 6h du matin. Mais nous avons déjà consommé plus d'une heure. Juste après, vous venez de chanter ici. Hein? Les hommes ont chanté ici, des chants spéciaux. Parce que nous sommes au 2h du matin. Une heure est déjà passée. Le temps court très vite. Parfois, moi, je m'étonne de la vitesse que prend l'horloge. Quelques temps après, 2 heures passées, 1 heure passée, 4 heures passées, la journée est finie. Ça va trop vite. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est en train de pousser les églises dans le monde. Pour que ça aille plus vite que possible. Mais quoi qu'il en soit, Dieu contrôle le temps. Et j'aime Dieu de tout mon cœur. Je laisse, comme il a dit, par David, mon temps est dans sa main. Alors, la nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Ceci s'adresse à chaque croyant. Nous devons nous dépouiller. Nous devons nous débarrasser. Nous devons nous séparer. Définitivement de toute œuvre de ténèbres. Que ça s'appelle copinage. Que ça s'appelle convoitise. Que ça s'appelle jalousie. Que ça s'appelle la haine. Le mépris. Le dédain. L'orgueil. La médisance. Le vol, oui. Le mensonge, oui. Le scroquerie, oui. La vie des dettes, oui. La vie des dettes, oui. Vivre avec des dettes, ils aiment payer. Oui. Et vous ne faites pas ce que le prophète a dit au sujet de vous. Quand vous avez des dettes qui traînent, oui. Vous devez voir le créancier on a des frères et des sœurs non qui ne pratiquent pas le message. C'est ça le genre de croyant que Kinshasa a produit. Des personnes non, qui n'ont pas le sens de l'honneur. Qui ne savent pas qu'un chrétien, être chrétien, c'est un titre honorable. C'est un titre honorable. Que l'on doit protéger. On doit le prendre, on doit le prouver. On doit le montrer. On doit avoir du fair play, on doit avoir la charité, on doit avoir l'humilité. Quand on est frère, on a l'humilité, on est jaloux, on est courtois, hein? On est tout ça. Tout ce que Jésus-Christ était, c'est ce que vous avez. Mais aujourd'hui, les gens portent les titres de frère juste pour faire insulter ce nom. On porte les titres de frère. Même parmi les gens qui viennent à l'église, et même dehors. Comme Dieu s'étonnait au temps d'Ézéchiel, mon nom est profané parmi les nations à cause de vous. C'est vous qui devriez être modèle exemplaire. Vous donnez les exemples du mal comme le reste des croyants. C'est honteux de déshonorer Dieu. Ceux qui déshonorent Dieu seront déshonorés. Ceux qui méprisent Dieu seront méprisés. Alors, marchons honnêtement. L'honnêteté. Respecter les promesses données. L'honnêteté. Marchons honnêtement. C'est d'aller vers votre semblable et qui vous concerne. S'il est arrivé que vous avez dit, je prends la dette, je vais payer dans deux mois. Au bout de deux mois, il y a un mot de télément. Il y a un mot de télément. Kende na mozarene na yo, non pas avec sourire aux lèvres ou avec les épaules gonflées. Kende ni qui pissafoutama de Bosonaï. Vous entendez la parole? Amen. Les frères d'aujourd'hui. Ma frère la micro. Vous entendez la parole? Va, prospère-toi devant ton prochain. Kende, foukama de Bosonaï. Si tu dois, tu vas emprunter un bien. Un véhicule, une marmite, je ne sais pas quoi. Je te dis de remettre ça. Mais tu au bout du délai, tu n'es pas prêt. Être honnête, ce n'est pas se cacher. Être honnête, ce n'est pas faire semblant. Et qui t'empêche peut-être de tenir ta promesse. Et dis-lui honnêtement, qu'est-ce qui te reste comme carte à jouer, ou quel cheminement à emprunter pour arriver à terminer le dossier avec lui. Honnêtement, j'ai dit honnêtement. J'ai toujours dit ici, il entend la promesse, quelqu'un lui promet l'argent, lui profite pour aller s'en dire. Dès que celui-là lui rassure, je vais te payer dans 3 jours. Dès que celui-là il fasse que dans 3 jours, dans 3 jours. Les 3 jours que tu donnes ne sont pas tes 3 jours à toi. Ce sont les 3 jours qu'on t'a dictés. Un homme qui est menteur comme toi. Le chrétien ne doit pas agir avec légèreté. C'est maladroit pour un homme qui d'entendre un numéro de promesse et lui aussi profiter, aller changer. C'est pas la promesse qu'un numéro. C'est maladroit. Vous allez faire goûter. Arrêtez de vous comporter comme ça. Vous cas, vous allez loin. Et quand l'autre vous demande, oui, la personne a cessé. Mon a 3 jours après qu'elle est morte. Qui était fait beaucoup ça. À cet accident, Koufi. Et maintenant, au moins, tu as donné les assurances. Hein? Tu as le comportement là où il y a des chrétiens. Après, bon, nous collons tout le coup, tu as dit, nous avons dit, matanga. Et pour ça, mon enfant, vraiment, c'était un événement douloureux, malheureux, il y a qu'à comprendre. C'est pas honnête. Ce genre de comportement n'est pas de l'honnêteté. Tu connais que c'était 3 jours, va. Rencontre la personne. Tu commences par faire des SMS. Va le voir. La Bible dit de faire comme ça. Vous voulez lire? Nous aimons lire. Est-ce que ma femme a bon mot? Faut le bagage, ça va prendre la bino ici. A quoi prendre le temps aussi par an? Pour y'a quatre, hein? Mon n'y a pas pour y'a pas de bonheur? Benganaï. Amen. Pourquoi va-t-il menacer? Benganaï. Dans les proverbes chapitre 6. Gardez la page de Romains 13, on va y revenir. Proverbe 6. L'écriture dit ceci. Verset 1-5. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, c'est toi qui t'es porté caution, car tu as rassuré ton prochain. si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Dengozawana, okokomi porte garant, okope sa assurance kuna, okoyi na se a pouvoir ya mozalani na yo. Ozana sama kolonaye. Bible lobi bongo yo loba amen. Alors la vie de death n'est pas une vie chrétienne. Bon mami ya bani mozali bon ma vokie fote. Di wana ko defa de pakaka na ko futa zamba ko sala. Et sa vie désordonnée. Arrêtez ce genre de vie. Dieu qui nourrit les petits oiseaux, les enfants ne vivent pas de tête. Dieu les nourrit chaque jour ici. Il peut nourrir ses enfants. Le minimum vital, Dieu te les donnera. Mais tu n'es pas obligé de s'endetter. Si tu n'as pas besoin de nous, nous avons besoin de contrer la yo. Au moment où nous prenons la dette, c'est pour vivre, pour pas faillir. Où nous sommes les sabbats de yo, nous le voyons. Tu n'as pas honte vraiment. Quand vous me demandez les zombies, ma besoin de bilan de santé, mais moi on y est. Et puis ok, nous allons dans ma propre vie bosser là. Il n'est pas béni, tu es maudit toi. Ta mesure là est la malédiction. D'accord, les gens pour la terre. Ah, les zombies, ma bataille, on doit y est. La commission va dire qu'on est y est. N'a pas, parce que nous allons faire ça, y est. Mais ça, ce n'est pas correct. Il est en train de mourir sa maison. Vous allez pour la terre, on a pour ma vie. Tu n'es pas chrétien. Les choses se doivent changer. Ma cambo, ma singule, ma bonne. Aujourd'hui, il faut que même en 2023, il faut faire changer. Amen. T'as eu qu'à nier, hein? Amen. Système ouana, y a qu'au lati, c'est qui bat benda qu'on a yo. Bah, d'abord, que nous coupons le pal, bon, quoi, ton. On parle maintenant, on a une égalité. Nous, on a une égalité. On a un belé, bah, nous, bon, nous, ce jour, y a maintenant, on zoomit à tête. Bah, n'a pas encore réussi, viens, bah, on est une. Tu veux dire que tu peux te faire avec des enfants. À cause d'un père irresponsable qui a aliéné sa maison. L'homme vivra à la sueur de son front. Mon sacrifice n'a pas été fait. Fais-moi l'église. Amen. C'est vrai. Mais il s'abat dans la yo, dans mon toki na yo moko. C'est vrai. Pour qu'il ne soit pas mon toki, il n'y a pas de bomengo. Wana ozo salarien. Au gouvernement, il n'y a pas de responsable. Il n'y a pas de l'oubli ça. Mais ozo ko s'abat dans la yo. Tu es en train de maudire ta maison. Vous allez pour la, la Bible a dit que c'est lui qui trouble sa propre maison. Vous allez pour la Proverbe 11, verset 29. Celui qui trouble sa propre maison héritera. Tu viens troubler tes enfants, tu troubles tes femmes. Ça, ce n'est pas une bénédiction. Disons les choses telles qu'elles sont. Vous voyez maintenant que les gars avec les yeux, ils me regardent. Il ne veut pas que je prêche. Mais quoi? Un frère a trouvé un proverbe 11, verset 29. Moi, je suis dans... Tu peux lire pour nous, là. Moi, j'étais dans proverbe 6. Comme ça. Lisez, frère Rémi. Héritera du vent. Allez, toute l'église, nous disons amen. Et qu'on change à gâter. Frère, au moins, il va troubler. Vous autres, on va troubler, mais vous, frère. C'est quoi? Nous avons le poli dans l'Elysée. Le pangouana, ils ont un problème. Allez, Libanda. On a confisqué la parcelle. Remontez le pango. Donc, là, ton âme repose en paix. Hein? C'est ça? Ton âme va reposer en paix? Tu hérites du vent et tu fais hériter du vent à tes enfants. Le mon pépé. Pour ça, les tebans, le pango, mon pépé. Soyons conscients. Pesons nos actes. Évitons des problèmes. C'est bien possible d'y arriver. Payez vos dettes. Le message nous dit, payez vos dettes. Sangole, vous foutez la nyongo. Payez vos dettes. Vous foutez la nyongo, rabino. Nous continuons ici dans Proverbe 6. Koba la masseuse motoba. Verset 3. Mitato. À 5. Mitano. Fais donc ceci, mon fils. Dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Voilà, bon, et ça, ça a été mon anandaï. On me dit que ça y est, mon konzambi, on y est, dans le boko, dans mon zalanaïo. Va! Prosterne-toi! Senda, on me dit que ça, l'ombaka, mon zalanaïo. Est-ce qu'on t'a dit d'envoyer des SMS? Bah, le vin, ma téléphone. Maintenant, tu fais Siyama, tu vas t'arranger de manquer du crédit dans ton téléphone, et puis tu écris un SMS et tu y envoies. Pour que le jour où on va poser la question, tu vas y partir. Est-ce que Kindeki? Il était que tout ce qui est le téléphone à côté. Et pour ça, on est encore. Mais pour que nous n'avons pas, Et puis, fils, tu vas enlever l'écran pour qu'on ne voie pas ce qui est autour. L'escroquerie n'est pas une bonne chose. Chers amis, soyons honnêtes. Tout le monde dit amen. Ah, parole de Nzambe Yangoyo, alléluia, ba Nzambe tonga tolaula. Non. Nous devons nous examiner. Parole, il faut essayer de mousara kati na biso. C'est amen. Vraiment, évangile, il faut aimer ma fruit nango. Parole, il faut pas dans le discours, il n'y a pas, mais nous voulons les résultats. C'est pour ça que nous devons rentrer à nous-mêmes. Fais donc ceci, mon fils. Dégage-toi. Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain, va, prosterne-toi. Comment tu vas le faire par SMS? Vous en chantant sur WhatsApp, tu envoies des messages et des audios. Bible, lobby, kende, fukamelaye. Est-ce qu'il y en a qui sont capables de le faire? Mais il est écrit prosterne-toi, où nous avons l'oubli, tout genou fléchira devant le Seigneur. Ah, wapé, à l'oubli, kéné. Pour nous, comment il s'appelle toi? Kéné, fou comme il est. Même à ta pasteur d'abé d'Akoutuyo, à Koka, moi, terre, au moins, mon normal. Dit que c'est ça la parole. Voilà le loba. Y a-t-il quelqu'un qui doit à des gens et qui l'a déjà fait? Parmi les deux doigts, un frère ou une soeur, qui a des dettes, il y a une dette qui traîne, qui est déjà à l'agenouillé, devant celui à qui il doit l'argent. Montrez-moi les doigts. Qui a déjà fait ça, appliqué ça. Un doigt, congé le médecin, que Dieu te bénisse. Un doigt pour ceux qui sont ici. Maintenant je vous pose la question. Qui parmi vous a les dettes envers son prochain? Soyez honnête. Ah, les autres n'ont pas de dettes. C'est bien. Ils sont quand même nombreux. Merci. Maintenant, voyez, tous ceux qui ont des dettes ici ne se sont jamais prosternés. Donc, parole au Tangiawa, Batika l'a jamais coupé la yango. Imaginez, les dettes qui ont fait 10 ans, levez les doigts. Ceux qui ont fait 10 ans, vous voyez que nous, on a déjà depuis 10 ans. Tombe la femme, un doigt. 10 ans, merci. 9 ans. Essayez de totaliser 9 ans, nous, on a. Non? 8 ans. 8. 8. Dette de 7 ans. Nous sommes à 7. 7 ans. Les belles doigts, soyez honnêtes. Vous allez simbo. Quand tu n'es pas honnête ici, tu ne seras pas honnête devant Dieu. Quand vous allez simbo, vous allez télé, vous allez zambé. Vous allez cataloguer. Baisse de 7 ans, depuis 7 ans. Nyongo, mais vous sambo. Je descends 6 ans. Motoba. Un doigt. l'honnêteté qui est prêchée, honnêteté qui est écrite. Merci. 6 ans. 5. Depuis 5 ans. Un doigt. 5. 4 ans. Voyez Bani Pierre, ouais. Voyez Bipégué. Tant que monsieur Sosapène, nous avons des gouttes au cacao, n'est-ce pas, Fadiao. Et nous avons tourné surtout dans ma voix. Azot à la comportement à nous. Colonne, nous avons tourné à la mini foyo. Voyez Bani, hein. Quand on bat la gare, le colonel du Gorodo, on continue à se faire ça. Aux autres, ça m'a l'été. On bat la mine à Sikuna. Mais colonel, nous rebasons au monde. Pour rien, il vit déjà Mamboula. Nous, on se bat à moi. 4 ans. D'être depuis 4 ans. Ok. 3 ans. 1, 2 doigts. Merci. 2 ans. Depuis 2 ans. Pendant la période de coronavirus, ça va 2020. 1, 2, 3, 4. Ok. Et puis une année. 1, 2, 3. Merci. 4, 5, 6, 7. Si. Moins d'une année. C'est-à-dire, et daté en 2022. Et autre aussi là. Peut-être aussi déjà 2023. Nous voyons aussi. Déjà 2022. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, c'est un peu plus de 15. Est-ce que ça fait le Benza Koufi Benza? Dites-moi bien aimé, est-ce que 2022 au Yabino et Koufi Benza? Pour 2022 dans mes élites. Pour Obimana 2022, il faut foutre ma nounou sur 2022. Mais la même chose pour celui qui a une idée de 10 ans. L'année là, jusqu'à maintenant, toutes ces années ne sont pas encore mortes dans sa vie. Mais elle continue toujours à réclamer les droits. Donc on va amener le châtiment. Amen. Est-ce que ça qui me tient mon mabé, tout me tient malam? Côté à ma camboya boyé, et ça qui me tient mon mabé, tout me tient malam. Église, maman Golobi, moi tu es ma malade. Zambé Asolokum. Amen. Allons-y. Je retourne là dans Proverbe chapitre 6. C'est un bon exercice, hein. Dieu de diversité. Vous qui allez l'eau, à ça trop merveilleux, hein. Il nous amène ici, il nous amène là, dans le vert pâturage. Il nous fait du bien à l'âme. Pour que nous soyons des personnes correctes et idéales. Il dit, fais donc ceci, verset 3. Mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi, et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Oyebite kolombongo azokambongo na indengini. Oyebite azokambongo na yawane ozokanda dengini. Tu ne sais pas. Quelle incantation il fait notamment. Yeah, belle la ka, mene mon lori yel na boutou. Quel cours il ne fait pas au cimetière des fois. Bela moussa ki na otamu la malita kuna. Si ko yo zi nyongo, ofanji. Oni ka nisi moutama yeli. Eza bouzoba. La vie des dettes n'est pas une vie chrétienne. Amen. Payez vos dettes. Payons nos dettes, Jésus revient. Ayons le vrai réveil et le fruit du réveil. Vous voyez, dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Amen. Amen. Alors, dans Romains 13, nous étions là pour parler de l'honnêteté. Et une parenthèse s'est ouverte autour des dettes. Tout ceci pour nettoyer nos vies spirituelles. Êtes-vous là? Maintenant de tout ceci, savez-vous qu'il y en a même qui ont les dettes envers leur propre église? Cette église même, et le diacre là derrière, il vous a vu. Le diacre vous a vu quand vous n'avez pas levé les doigts. Que cela vous aide à rentrer en vous-même. Oui, mais c'est la vérité. Le diacre m'en parle. Tu m'en parles. Nous devons être honnêtes. Vraiment honnêtes. Des fois ça fait mal. C'est mal à dire. Ça fait mal de le dire. Mais il faut dire la vérité. Ah oui. Romains 15, verset 15. Marchons honnêtement. Comme en plein jour. Loin des orgies et des livronneries, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Totambola na ejaleli ekoki na moi, na bilango na lokosote, na kolanga na sangate, na pitepe na mobilite, na kokola na soko na zuate. Êtes-vous là? Bon alléluia. L'honnêteté. Nous devons nous entraider à devenir honnêtes, plus honnêtes que ce que nous sommes. Et si je dois être honnête avec vous, je dois vous dire toute la vérité. Et si j'ai quelque chose, telle qu'elle est, je sais que certains ne me supportent pas à cause de ça. Vérité sur les alliés, David a colombango kaka. Il y a une histoire qui bosse, c'est pas, il n'a pas signé, c'est pas, un frère ou une histoire, c'est pas. Nous, on a collé ça, bah, maçon, na chantier, il s'appelle Mongo. Mon Dieu. Voilà. Je crois que vous avez la réponse. Je pense que vous avez vraiment la réponse. C'est notre église, non? Nous avons dit, nous ne voulons pas de l'argent volé. Nous ne voulons pas de l'argent de la magie. Nous ne voulons pas l'argent emprunter, je ne sais pas quoi là et tout. Construisons notre église par notre propre sueur. À nous sacrifier à nous-mêmes. Ça prend le temps que ça peut prendre. Mais c'est entre nous. Et chaque membre de l'église doit respecter les engagements convenus. Et dans l'église, au temps de Néhémie, c'était comme ça. C'est dans la Bible. Ils étaient convenus et ils ont respecté les portions convenues. Ils versaient les portions convenues. Donc, ne pas le faire, c'est faillir quelque part. Que Dieu nous assiste à être de bons citoyens. Entre temps, Jésus revient. Ils doivent être clean, non? Ils doivent être propres, purs devant Dieu. Irréprochable. Et par la grâce de Dieu, c'est possible. C'est amen? C'est vraiment amen? Oui. Payons toutes nos dettes. Honorons nos engagements. Respectons nos propres promesses. Dieu veut ça de nous. Marchons honnêtement. Avec honnêteté et avec honnêteté. Maintenant, remarquez, il fut un temps où Jésus est venu sur la terre. Et là, nous avons commenté Ephésiens 5. Nous attaquons maintenant Matthieu chapitre 2. Voir un peu ce qui s'est passé en ce temps-là. Quand les mages sont venus pour adorer le roi des Juifs qui venait de naître. Mais ils avaient un signe qui leur indiquait le temps, mais que tout le monde ne voyait pas. Et c'est ce à quoi nous voulons attirer l'attention maintenant. Êtes-vous prêts? Toutes ces bonnes choses qui nous sont dites, c'est pour notre bien. Tu dois les savoir à l'avance. Tu dois payer toutes tes dettes, pas du faiblement. Alors, dans la prédication, l'expectative.